Chapitre 7e. La porte du logis était ouverte. Finuel avait allumé du feu, et assis sur un escabeau devant l'âtre, il préparait sa soupe du matin, ayant à ses côtés un vieux chien de berger, au poil noir bourru. Denis Finuel était un grand vieillard encore vert et droit malgré ses 76 ans. Ses épaules maigres étaient à peine voûtées, et la façon dont il brisait contre son genou les billes de fagot pour alimenter le feu montrait combien il restait de force dans ses membres osseux. Il portait toute sa barbe grise, et des masses crépues de cheveux blancs s'échappaient de dessous son bonnet de coton bleu. La claire flamme de l'âtre jetait des lueurs roses sur le mobilier antique et propre de son ménage de célibataire. Dans un angle, la maille perchée sur 4 pieds de hêtre faisait pendant un petit bahut de merisier, et entre les deux s'élevait le lit à baldaquin de cotonnade rouge et jaune. Près de la cheminée, le four laissait voir son ouverture fermée d'une plaque de tôle, et non loin de là, une horloge dans sa boîte oblongue faisait entendre son tic-tac monotone. Derrière la porte d'entrée, des serpes, une cognée et des genouillères de cuir étaient accrochées à des clous. Une lampe à bec, un gros double liégeois à couverture bleue ornait le manteau de la cheminée. Du côté opposé à l'entrée, une porte à claire-bois s'ouvrait sur un jardinet dont on entrevoyait les verdures échevelées et d'où venaient par moments des gloussements de poules accompagnés d'un bourdonnement de mouches à miel. Un large rayon de soleil passait en même temps par cette ouverture et découpait sur le pavé de briques la silhouette des feuillages déchiquetés d'une treille. Au moment où le grand Justin poussa la porte, le chien se mit à aboyer, et Denis Finuel, se retournant, montra sa longue figure éclairée par 2 yeux enfoncés sous d'épais sourcils encore noirs. Il distinguait mal la jeune fille, que masquait entièrement son compagnon, mais il reconnut le charbonnier. « Ah, c'est toi, mon garçon, » dit-il en se remettant à casser son fagot. « Te voilà de bon matin par chez nous ?» « Est-ce que tu as affaire à la ferme ?»« Non, père Finuel. J'ai accompagné une demoiselle d'Aubrive qui désire vous parler. » En même temps, il s'effaça et laissa voir Aimé, qui se tenait près de la porte, un peu confuse, et très émue à l'aspect de ce Finuel qu'elle avait tant désiré connaître. « Une demoiselle d'Aubrive !» s'écria le vieillard en se levant. « Je ne connais pourtant quasi plus personne là-bas. Paix, Noirot. Entrez, ma gâchette. Qu'y a-t-il pour votre service ?» Il avait soulevé légèrement son bonnet de coton à l'aspect de la jeune fille, et il l'examinait curieusement, en attendant qu'elle expliquât sa visite. Tout à coup, les muscles de son visage tressaillirent et ses yeux s'écarquillèrent. « Ah ça » murmura-t-il. « Est-ce que j'ai la berlue, ou est-ce que je rêve tout éveillé ?»« Venez donc un peu au jour » ajouta-t-il en prenant la main d'Aimée et en l'attirant vivement vers la porte du jardin. Elle restait silencieuse et le regardait avec des yeux attendris, tandis que lui, la tenant toujours par la main, étudia lentement son visage. La ligne des sourcils noirs, les yeux demi-voilés, les lèvres rouges, le petit signe au coin de la joue. Aimée, de son côté, voyait dans cette face vieillie, penchée sur elle, comme un vague reflet des traits de sa mère et de sa propre physionomie. Denis Finuel avait lui aussi, au milieu de la joue, le même signe brun. Seulement cette marque disparaissait sous une touffe de poils gris. Pendant que le vieillard la dévisageait minutieusement, elle sentait son cœur battre et ses yeux se mouiller. À la fin, il s'écria. « Dieu me pardonne, c'est comme si je voyais ma sœur Sylvine, ou ma tête des ménages, ou vous êtes une Finuel. »« Je suis la petite fille de Sylvine Finuel, » balbutia Aimée. « Ma mère s'appelait Coralie Chenu. » En même temps, l'émotion qui l'étouffait éclata, et elle se mit à fondre en larmes. « Ah !» dit le vieillard, en lui prenant les deux mains. Je savais bien que mes yeux ne pouvaient pas me tromper. « Allons, ma gâchette, bien que je t'embrasse. » Il la serra dans ses grands bras maigres et lui baisa les joues. Il paraissait fortement remué à l'aspect de cette jeune fille qui était de son sang et qui le rappelait si exactement à sa sœur Sylvine. Noirot, le chien au poil bourru, semblait partager l'émotion de son maître. Il ne grognait plus. Assis sur son train de derrière, il remuait sa queue ébouriffée et dardait ses petits yeux noirs luisant vers la nouvelle venue. Le grand Justin, debout contre la porte d'entrée, contemplait cette scène d'un air à la fois enchanté et embarrassé. Denis Finuel, relevant la tête, se retourna vers le charbonnier. « Merci de me l'avoir amené, mon garçon, » lui cria-t-il. « Maintenant tu peux regagner ta vente. Nous avons à causer, ma petite nièce et moi. Donne le bonjour de ma part aux gens du bois des fosses. » Aimée vint à son tour le remercier et lui serrer la main. « Voilà, dit-elle, la seconde fois que vous me rendez service, monsieur Justin, et je vous en suis reconnaissante du fond du cœur. » Il ne savait que répondre, tellement il était intimidé par cette jolie fille encore tout en larmes. Il balbutia quelques mots, s'embrouilla dans sa phrase, souleva son feutre roussi et s'en alla lentement. Quand il eut disparu, Denis fit Noël ferma la porte, puis, faisant asseoir Aimée sur l'escabeau près du feu, « Ça, causons, ma mignonne, reprit-il gaiement. Ainsi, tu es la fille de Coralie Chenu. C'est la meilleure des trois. Où est-elle à cette heure ?»« Elle est morte, répondit brièvement Aimée. Et mon père aussi. Ah, ma pauvre fille, te voilà orpheline. Et sans doute les dames de la poste t'ont prise avec elle. » La jeune fille fit un signe affirmatif. Le vieux Finoël hocha la tête d'un air de compassion. « C'est dur, répéta-t-il, c'est dur de manger le pain de ces filles-là. Vous ne devez guère vous entendre, ce sont des chenus de la tête aux pieds, et Dieu merci, tu n'as rien d'elles. » « Oui, reprit-il avec animation, tu es une vraie Finoël, toi. Tu as les yeux et la bouche de la famille, et aussi le signe noir sur la joue. Oh, je t'aurais reconnu entre cent. Seulement, dit-il en lui enlevant sa toque, tu n'as pas nos cheveux épais frisés, ou plutôt tu ne les as plus. Pourquoi les as-tu coupés, ma fille ? « Ce n'est pas moi, » s'écria-t-elle, « ce sont mes tantes qui me les ont coupées pendant que je dormais. »« Ah, les gueuses !» grommela Finoël, « je les reconnais bien là. » »« On ne saura jamais les misères que leur famille a faites à ma pauvre sœur Sylvine. Elle est morte à la peine. Tous ces chenus ont le cœur dur et sec comme de vieilles roches. Les deux femelles de là-bas ne peuvent pas me sentir. Je m'étonne qu'elles t'aient permis de venir me voir. »« Elles ne m'ont rien permis. » répondit Aimée, c'est moi qui me suis sauvé de chez elle. Elle raconta rapidement à son grand-oncle la scène de la nuit précédente. « Maintenant, ajouta-t-elle en regardant le vieillard, je n'ai plus que vous, et je viens vous demander si vous voulez me prendre avec vous. » Denis Finoël releva vivement la tête et resta un moment bouche béante, puis il se gratta le front d'un air embarrassé. Il ne s'attendait guère à une pareille aventure, et la demande de la jeune fille le laissait tout interloqué. « Diantre, murmura-t-il. Ce serait de bon cœur, assurément, mais... Mais comment veux-tu qu'un vieux paysan comme moi loge une demoiselle comme toi ? Je ne suis pas une demoiselle, s'écria Aimée. Je suis une pauvre fille abandonnée. La plus misérable des paysannes est encore au-dessus de moi, et j'échangerai volontiers ma position contre la sienne. Mais, objecta le bonhomme effarouché, je suis un pauvre diable de bûcheron. À mon âge, je suis encore obligé de travailler au bois pour gagner mon pain. Je travaillerai aussi, répliqua-t-elle d'une voix suppliante. « Avec les petites mains blanches que voilà ?» fit-il d'un air incrédule en lui prenant les mains. « Tu ne sais pas ce que c'est, ma fille, que de peiner par tous les temps, à la pluie, au soleil, ou à aller à la gelée. C'est un dur métier que celui de paysan. Pas si dur que le métier que je faisais chez mes tantes, où j'étais enfermé du matin au soir. C'était plus pénible que de travailler des bras au grand air. Vous verrez comme je m'accoutumerai à la vie des bois. Je suis une fille Noël, mon oncle. J'aimerais mieux mourir de faim que de retourner à la poste. » « Oui, dit Finoël, tu as du cœur et tu es bien de notre sang. Eh bien, sois, au petit bonheur, s'écria-t-il en redressant sa haute taille. On tâchera de te rendre la nouvelle position aussi douce qu'on pourra. Nous allons déjeuner ensemble et j'irai au Brive, signifie à tes tantes que je te prends avec moi. » En effet, une heure après, Denis Finoël, laissant sa petite nièce à la garde de Noirot, cheminait lestement sur la route d'Aubrive. Quand il arriva devant le bureau de poste, midi sonnait. Il trouva les demoiselles chenues encore tout ébobies de la disparition de leur nièce. Elles étaient en conférence avec le juge de paix et le curé. Mademoiselle Victoire, qui ne connaissait pas Finoël, ne prêta pas grande attention à l'entrée de ce vieux paysan maigre et barbu. Mais Mademoiselle Mélanie tressaillit en l'apercevant et ses joues bises rougirent faiblement. « Bonjour, mesdames et la compagnie, » dit Finoël en découvrant sa blanche tête crépue. « Je suppose que vous êtes en peine de la demoiselle qui était ici ?» et qui vous a quitté cette nuit. Vous pouvez vous rassurer, je viens vous donner avis qu'elle est chez moi et qu'elle y restera. Et de quel droit vous mêlez-vous de cette affaire ? Repartit impétueusement le juge de paix. Savez-vous à quoi vous exposez, brave homme, en détournant une fille mineure et en la soustrayant à la tutelle de ses tantes ? Si elles sont tes tantes, je suis son grand-oncle, dit le vieillard en se redressant. Je m'appelle Denis Finoël. Ma petite nièce n'était pas heureuse ici. Elle s'est réfugiée chez moi. Je ne suis qu'un ignorant, monsieur le juge de paix, mais j'ai idée que la loi me donne tout autant de droits sur elle qu'à ses tantes qui l'ont maltraitée. « De quel mauvais traitement parlez-vous ? » demanda le juge en regardant d'un air soupçonneux les deux vieilles filles dont il commençait à trouver le mutisme équivoque. « Ces demoiselles, » reprit Denis Finouël, « ont profité du sommeil de la petite pour lui tondre les cheveux comme à une criminelle. Je dis que c'est une indignité et une méchanceté. »« C'est Victoire, » murmura lâchement Mélanie. « Eh bien oui, c'est moi !» s'exclama la grosse fille en jetant un regard furibond à l'infidèle juge. « Cet enfant était d'une perversité précoce. Je l'ai corrigé, où est le mal ?»« Maintenant, si cet homme veut nous débarrasser d'une fille indisciplinée, qu'il la garde. Pour mon compte, je n'y mets pas opposition. »« Et vous, mademoiselle Mélanie ?» interrogea à son tour le curé, qui avait gardé jusque-là un silence prudent. « Oh !» reprit Finouël avec un sourire ironique. « Mademoiselle sera évidemment du même avis que sa sœur. » « Vous pourriez vous tromper ?» riposta aigrement Mélanie, qui essayait de sauver les apparences et de maintenir son autorité aux yeux du public. « Cet enfant m'a été confié, j'en dois compte à Dieu, et je serais curieuse de savoir pourquoi je l'abandonnerais entre les mains d'un vagabond sans feu ni lieu. »« Tenez-vous franchement à savoir pourquoi ?» répondit Finouël en regardant la dévote d'une façon qui lui fit baisser les yeux. « Voulez-vous que j'explique tout haut devant ces messieurs pour quelle raison vous allez me donner votre consentement sans barguigner ?» Mademoiselle Mélanie ne se sentait probablement pas la conscience à l'aise vis-à-vis de Denis Finouël, car elle changea prudemment de ton et s'écria avec une singulière précipitation. « Assez, nous n'avons pas besoin de vos explications. Vous voulez cette fille ? Vous l'avez. Gardez-la si vous pouvez, je m'en lave les mains. » Les choses étant arrangées à la satisfaction de tous, dit ironiquement Finouël, en soulevant son feutre, « je n'ai plus qu'à m'en aller. Vous remettrez les hardes de la petite vendredi au facteur d'Amoret, et ce sera tout. Bonsoir donc, mesdames et la compagnie. » Quand il rentra le soir dans la maisonnette d'Amoret, Denis Finouël embrassa vivement sa petite nièce. « C'est fini, ma gâchette, s'écria-t-il, te voilà une paysanne. Dieu veuille que tu ne t'en repentes pas, comme ta grand-mère Sylvine s'est repentie d'être devenue une bourgeoise. »